Le livre des psaumes. Nous voulons commencer par lire ensemble les trois premiers versets du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le livre des psaumes commence par le mot « heureux ». Il nous révèle en effet les conditions profondes d'un bonheur véritable et durable. Ce bonheur fut l'expérience du psalmiste, en l'occurrence le roi David, il y a 3000 ans. Et ce même bonheur est aujourd'hui encore l'expérience de ceux qui ne se laissent pas entraîner par certains courants contemporains, mais qui trouvent leur plaisir dans la parole divine. Bien sûr, il faut accepter d'aller à l'encontre de l'opinion générale, de ne plus marcher selon le conseil des méchants, de ne plus s'arrêter sur la voie des pécheurs, ni s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et cela n'est possible que si nous savons trouver notre plaisir en Dieu et en sa parole. Le roi David trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel, cette portion de l'Écriture sainte qui existait déjà à son époque. Il la méditait jour et nuit. Résultat, les racines de sa vie spirituelle puisaient leur vitalité dans le courant d'eau de la révélation de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons faire semblable expérience et les psaumes nous y invitent. De tous les livres de la Bible, aucun n'est plus populaire que les psaumes. Dans l'original hébreu, le titre du recueil signifie « livre de louange » ou « livre de cantique ». En grec, le mot « psalmos », pluriel « psalmoi », apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament. Il désigne un poème chanté avec accompagnement de musique. Les 4000 choristes établis par le roi David entonnaient les psaumes dans le temple de Salomon sous l'experte direction d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun. C'est ce que nous lisons en 1 Chronique 23 et 25. Des siècles plus tard, les Israélites revenus de l'exil à Babylone firent des psaumes leur recueil de cantiques pour le second temple. Et que dire des millions de croyants de tous les âges qui y ont découvert réconfort, encouragement et secret de victoire en temps de solitude, de privation ou de persécution, ou encore inspiration durant les époques glorieuses des réveils spirituels de l'histoire. Sur les 150 psaumes, 73 sont signés du roi David. On pense qu'il est aussi le principal auteur des psaumes dits anonymes, c'est-à-dire les psaumes non signés, au nombre de 49. Ces cantiques dépeignent tour à tour les souffrances et les joies de David et reflètent les circonstances mouvementées de sa vie lorsqu'il était rejeté par Saül, errant dans les déserts et sur les montagnes d'Israël, puis lorsqu'il fut acclamé roi par les 12 tribus d'Israël et qu'il acheva ses jours dans la gloire de son règne. Vers la même période, Asaph, chef des choristes du roi David, composa 12 psaumes. Salomon écrivit à son tour les psaumes 92 et 127. Il y eut également les 12 cantiques des fils de Corée qui étaient portiers dans le temple. Mentionnons aussi le cantique d'un certain Ethan l'Ezrachite, c'est-à-dire le psaume 89, et le psaume 90 de Moïse, qui date donc du 14e siècle avant Jésus-Christ. En contraste, le psaume 137 date du 5e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il a été composé sur les rives des fleuves de Babylone durant la captivité. Certaines épigraphes nous permettent de classer les psaumes suivant leur caractère particulier. Alors que le terme hébreu « mizmor », qui veut dire « psaume », se trouve à l'en-tête de nombre d'entre eux, le mot « shigayon », qui veut dire « complainte », figure au début du psaume 7. « Miktam », qui signifie « hymne », est à l'en-tête du psaume 16, et « shir », c'est-à-dire « cantique », à l'en-tête du psaume 30. Quant au psaume 32, il s'ouvre par le mot hébreu « maskil », aussi traduit dans nos Bibles par « cantique », expression qui signifie littéralement « instruction ». C'est dire que les psaumes comportent des caractères bien définis que nous pouvons grouper. 7 psaumes engagent le croyant à confesser son péché et à demander pardon à Dieu. On les a nommés psaumes de repentance. Ce sont les psaumes 6, 32, 38, 51, 102, 130 et 143. Dans les psaumes 113 à 118, ainsi qu'au psaume 136, la note d'adoration prédomine. On les a donc appelés psaumes Alléluia. Ils étaient exécutés lors de la célébration de la Pâque. Quant au cantique des degrés, les psaumes 120 à 134, ils décrivent la marche ascendante du croyant et ils furent très probablement chantés par les pèlerins revenant de l'exil après la captivité babylonienne. Les poèmes de l'époque biblique ne rimaient pas comme les vers de la littérature moderne, mais le rythme des syllabes y était soigneusement réglé. Parfois, la progression de l'enseignement didactique était soulignée par le mouvement ascendant de l'alphabet. Ainsi, dans l'original, les sept psaumes alphabétiques, soit les psaumes 25, 34, 37, 111, 112, 119 et 145, s'ouvrent par le Aleph hébreu, la première lettre de l'alphabet, et chaque strophe commence ensuite par la lettre suivante. Dans le psaume 119, le plus long du recueil, les huit premiers versets commencent chacun par la lettre Aleph, les huit suivants par la lettre Bet, et ainsi de suite. Le Nouveau Testament contient 74 citations directes du livre des psaumes. À l'inverse, les psaumes font de très nombreuses allusions prophétiques à Jésus-Christ. C'est au point que 18 d'entre eux ont été spécialement désignés comme psaumes messianiques. Ils sont avant tout consacrés aux souffrances de Christ et à la gloire à venir qui en dépend. Parmi les psaumes messianiques, l'un des plus remarquables est sans contredit le psaume 22. Il décrit en termes pathétiques les souffrances de Christ à la croix. Lisons-le, voulez-vous, depuis le verset 2. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Verset 7. « Je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. » Verset 15. « Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » L'Esprit de Dieu fit découvrir à David, 1000 ans à l'avance, la passion du Seigneur Jésus. Et il dépeint le supplice de la crucifixion avec un réalisme surprenant. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Puis, après cette description des souffrances de Christ, ce même psaume laisse entrevoir la gloire qui en découle et le salut apporté au monde par l'œuvre expiatoire de Christ à la croix. J'aimerais établir une relation entre le psaume 22 et un autre chapitre 22, celui du premier livre de la Bible, où, au travers du sacrifice d'Isaac, Dieu entrevoit également les souffrances de Christ et sa gloire future. Cette relation entre le psaume 22 et Genèse 22 n'est qu'un élément dans un ensemble. Depuis longtemps, les Israélites avaient constaté qu'il existait un rapport étroit entre les cinq sections principales des psaumes et les cinq livres du Pentateuque. Ce parallèle saisissant met en relief la merveilleuse harmonie des Écritures. Ainsi, l'objet principal du premier recueil, les psaumes 1 à 41, c'est l'homme. N'est-ce pas là aussi le thème principal de la Genèse? Le deuxième recueil, les psaumes 42 à 72, parle des captifs, exactement comme l'Exode. Le troisième recueil, les psaumes 73 à 89, décrit le sanctuaire. C'est le thème du Lévitique. Le quatrième recueil, les psaumes 90 à 106, dépeint la marche au désert, comme le livre des Nombres. Et le cinquième recueil, les psaumes 107 à 150, met l'accent sur la parole de Dieu, exactement comme le Deutéronome. Mais il ne faut pas seulement s'approcher des psaumes pour en tirer de merveilleux parallèles avec les autres portions de l'Écriture. Le Saint-Esprit nous montre dans ce livre de profondes expériences. Lorsque David passait par l'épreuve, il répandait son âme dans la prière et il trouvait au travers de ses cantiques réconfort, soulagement et espérance. Il s'appropriait les promesses de l'Éternel et, en rappelant les hauts faits de Dieu dans l'histoire d'Israël, David affirmait sa foi en ce Dieu puissant, capable aussi d'intervenir en sa faveur. Ainsi, comme l'indique le psaume premier que nous avons cité tout à l'heure, il était « comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point ». Le courant d'eau, c'est la révélation que Dieu a fait jaillir par la Sainte Écriture, cette parole certaine, entièrement inspirée de lui, et qui, rappelons-le, est exempte de toute erreur et de toute imperfection dans ses textes originaux. Ah, ne vous privez jamais de la lecture de la Bible, et que votre vie spirituelle s'abreuve à ce fleuve d'eau vive. Quel bienfait, surtout en temps de sécheresse, de voir un arbre au feuillage toujours vert et donnant des fruits en sa saison. Or, au cours de l'histoire et en particulier en temps d'épreuves et de persécutions, que de chrétiens ont montré par leur comportement quotidien qu'ils tiraient force et vigueur spirituelle de la parole de Dieu. Pourquoi ne seriez-vous pas, chacun de vous, cet arbre planté près du courant d'eau de l'Écriture sainte, cet arbre plein de sève et de vie divine qui porte du fruit pour le Seigneur en sa saison, c'est-à-dire dans sa génération? Pourquoi ne seriez-vous pas cet homme, cette femme en qui il n'y a rien de flétri parce que tout en lui ou en elle reflète la vie de Jésus-Christ? Alors il sera dit de vous « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Et vous, jeune homme, jeune fille, vous qui êtes au seuil de votre carrière, ne voulez-vous pas cette réussite-là pour vos belles années comme pour tout votre avenir? Cette réussite, les grands hommes de la Bible l'ont vécue. David l'a expérimentée en diverses circonstances très précises. Et elle peut aussi être vôtre si, en ce jour, le psaume premier devient votre expérience personnelle. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.